France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 104. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 20 janvier 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es fracture sociale ou dissolution fatale. Tu es rassemblement pour la République, tu es baron en Corrèze ou comte au Japon, tu es tête de veau arrosée de bière mexicaine, tu es CX intérieur cuir ou motocrotte, et tu es aussi... Toute ma vie, j'ai eu une piètre idée de moi-même. Je ne me suis jamais vraiment senti au niveau des fonctions que j'occupais. Et aujourd'hui encore, il m'arrive d'en souffrir. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, ta bourgeoise collectionne les pièces jaunes. Tu es président Chirac. Alors, comme chacun a pu le constater, comme prévu d'ailleurs, la présidence de la République est entrée de plein pied dans l'ère vertigineuse de la rupture. Mais c'était comment juste avant, bon sang? On ne s'en souvient déjà presque plus, dis donc. Cela dit, était-ce vraiment différent? Eh bien, afin d'en avoir le cœur net, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de consacrer une émission spéciale au 5e président de la 5e République et d'aller explorer ensemble cette mystérieuse contrée que fut la Chiraquie. Ainsi, pour amorcer notre enquête, du conseil municipal de Sainte-Féréole à l'hôtel de ville de Paris, nous allons retracer l'ascension fulgurante de ce tueur en série que fut Jacques Chirac. Ensuite, nous chercherons à percer l'étrange psychologie de cet olibrius politique une fois qu'il fut élu aux plus hautes responsabilités de l'État. Et dans la foulée, nous t'offrirons un petit montage made in panic consacré justement au rapport tumultueux qu'ont entretenu le père et le fils, à savoir Jacques et Nicolas bien sûr. Et puis, bien qu'on puisse penser aujourd'hui que président Chirac est totalement disparu, nous te dévoilerons quelles sont désormais ses utopies enfouies. Car figure-toi que le vieux lion n'est pas tout à fait décati. Et enfin, nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude ont vu débarquer le Chirac à Grosboul-les-Bains samedi dernier à l'occasion de la célèbre fête de la saucisse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et ne fais pas de chichi. Me chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Já tô com pé na estrada. Pepe na Estrada, version carioca du célèbre tube Hit the Road Jack, traduction Taille ta route Jack. C'est sans doute ce que conseillerait Charles Pasqua à M. Chirac, un autre grand spécialiste des affaires politico-judiciaires. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser au destin incroyable de ce jeune homme vendeur du quotidien L'Humanité, devenu ensuite Premier ministre agité, selon les dires de Giscard d'Estaing, puis président de la République pendant 12 ans. Ce matin, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc à la vie de Jacques Chirac. Et pour commencer cet improbable voyage, il est nécessaire d'analyser les méthodes qui lui ont permis d'arriver jusqu'au plus haut sommet de l'État. C'est en 1962, après avoir réussi l'ENA, que Jacques Chirac entre dans les palais de la République comme chargé de mission au secrétariat général du gouvernement Pompidou. Mais le jeune homme décide très vite d'aller plus loin. Ainsi, il se fait élire au conseil municipal de Sainte-Féréole, puis en 1967, il arrache le siège de député de la Corrèze. Le Parisien Chirac gagne alors ses lettres de noblesse auprès des paysans. Jacques Chirac au salon de l'agriculture ce matin. L'ambiance n'avait rien de comparable à celle d'un salon de l'hôtel Matignon. Bonjour. D'où ils viennent, ça ? Hein ? Ils le connaissent ? C'est les photos de la télé. Comment que ça va la santé ? Eh bien, ça va pas mal, merci. C'est bien. Et le gouvernement, il se tient bien, oui. Vous êtes un Corrézien ? Ah non, ah bon. Périgourdin. Ah, c'est, la lisière vaut bien le drap. Hein. Corrèze, Corrèze, au paradis merveilleux. Corrèze, Corrèze, tout me sourit sous tes yeux. Jacques Chirac, tout juste élu député de la Corrèze, est appelé au gouvernement par Georges Pompidou, qui le surnomme alors le bulldozer. Son ascension s'accélère quand deux éminences grises du gaullisme décident d'en faire leur poulain. En effet, Pierre Juillet et Marie-France Garraud ont très vite compris la nature profonde de Jacques Chirac. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon ? Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi ? Un serial killer. Hein ? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Jacques Chirac est donc le serial killer, envoyé en mission pour éliminer les indésirables. Ainsi, en 1974, lors de l'élection présidentielle, suite au décès de Pompidou, Chirac manœuvre pour faire échouer Chaban-Delmas, le candidat gaulliste, car son programme de nouvelle société ne plaît pas à la droite radicale. Chirac et sa bande, Pierre Juillet, Marie-France Garraud et Charles Pasqua, réussissent leur coup. Giscard d'Estaing bat Chaban-Delmas, qui analyse d'ailleurs assez bien la situation. Au premier rang des animaux dangereux se placent naturellement les requins. Les requins jouissent d'une solide et déplorable notoriété. Ce sont les mangeurs d'hommes typiques. On ne sait jamais ce qu'un requin va faire, ce qui est assez peu rassurant. Que la psychologie des requins nous soit un domaine totalement fermé, il faut le reconnaître. Et admettre aussi qu'il a bien des chances de nous rester interdit à tout jamais. Ainsi, les mâchoires de Chirac se sont refermées sur Chaban-Delmas en 1974. Mais pour le jeune Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, la pratique du pouvoir n'est pas simple. Les relations sont tendues avec les proches du président, comme te l'explique Jean-François Probst, alors attaché au service de presse de Matignon. Un jour, il me dit, moi je suis tout jeune, j'ai 27 ans, je suis à son cabinet, d'accord, mais enfin je ne suis pas son conseiller le plus proche. Il me dit, merde, il va falloir que je téléphone à Gros Cul. Alors, Gros Cul, c'était Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur. Et on est descendu, il y avait les toilettes là, on s'est lavé les mains, puis il y avait un téléphone comme autrefois, là. Il fallait mettre 2 pièces de 20 centimes, je n'ai plus un jeton, et il a téléphoné devant moi. Bon. Et là, j'ai vu que il y avait du mou dans la corde à nœuds, quoi. Il y avait de l'eau dans le gaz. On se sentait déjà, on est en mars 76, on est à un peu moins de 6 mois de la démission. Et quand on est remonté dans la voiture, il a prononcé une de ces phrases habituelles de l'époque, « Ah, celui-là, il fait vraiment péter l'emmerdomètre ». Mais Jacques Chirac sait lui aussi faire péter l'emmerdomètre, comme par exemple en 1976, quand il démissionne de la fonction de Premier ministre du jamais vu, et rebelote quand il prend le contrôle de l'UDR, le parti gaulliste, qu'il transforme en un nouveau mouvement uniquement destiné à son succès. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement, d'un cœur léger, d'un pas ardent. C'est le très grand rassemblement du fin fond des départements. La France entière se met en mouvement. C'est vrai que nous en sommes fiers d'être compagnons du RPR. Le RPR, c'est l'arme de Jacques Chirac pour s'approcher du pouvoir. Mais il y a loin de la Corrèze à l'Élysée et la place de Grève. C'est bien plus proche. J'ai décidé de me présenter à Paris. J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Amis et compagnons, si demain la coalition socialo-communiste l'emportait ici, à Paris, les journaux du monde entier titreraient « Paris est tombé ». Toi, Paris, je suis bien dans tes bras. Ainsi, Chirac prend Paris dans ses bras. Certaines mauvaises langues disent « dans ses griffes ». Et avec le RPR à la mairie, la devise de Paris prend tout son sens. C'est fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. La bande de copains parisiens de Jacques Chirac prépare donc la conquête présidentielle de 1981. Pourtant, pas de chance, Chirac est éliminé dès le premier tour. Le suspense devient alors terrible. Va-t-il appeler les militants du RPR à voter pour Giscard afin de battre le socialiste Mitterrand? Eh bien, écoute sa réponse. Il n'y a pas lieu à désistement. Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. À titre personnel, dans l'esprit que je viens de rappeler et dans la ligne de l'action politique que j'ai toujours menée en faveur d'un certain type de société, je ne puis que voter pour M. Giscard d'Estaing. La parole est désormais au peuple français. Le peuple français est donc libre de son choix, mais au RPR, on conseille très fortement aux militants d'aller voter Mitterrand pour battre Giscard. Après Chaban, en 1974, Jacques Chirac est donc toujours un tueur politique machiavélique. Mais là encore, malgré son talent, il est difficile pour Jacques Chirac de lutter contre François Mitterrand, qui lui colle une raclée à la présidentielle de 1988. Il attend alors avec impatience l'échéance de 1995, quand se dresse devant lui l'illusoire Édouard Balladur, l'ami de 30 ans. Et là encore, pour rafler la mise, ainsi que l'électorat, tous les coups sont permis, figure-toi. Comment voulez-vous que le travailleur français, qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Ce n'est peut-être pas être raciste que de dire cela, mais tout de même, c'est flatter des idées bien racines. Enfin, ce n'est pas grave, puisqu'en politique, avec le temps, les mots s'en vont et tout s'en va au vent. S'en vont mes mots, tout s'en va jeté au vent. Tant se languit, tant trop loin. royale servant. Maigres amours finiront tout en chanson. Cruel amour par des cruelles façons. Tel est pris au bonheur d'aimer. Tel est pris au malheur, yeah, yeah. Mon cœur d'hiver tremble encore sous ta prière. Par devant toi, j'oubliais tant ma misère. Corps aveuglés, tout nous cache la beauté. Cruel amour qui ne s'ouvre qu'à moitié. Tel est pris au bonheur. Tel est pris au mal, yeah, yeah. Demeure close, tombe grêle à tes tétines. Cruelle chose, oppresse-toi, cruelle fille. Tu m'as donc fait si insensé, si furieux. Vaine crevasse que j'en insulte les cieux. Tel est pris au bonheur d'aimer. Tel est pris au malheur, yeah, yeah. Tel est pris, c'est le constat de Jean-Louis Murat. Mais ce fut aussi la confidence de M. Debray à M. Chirac lorsqu'en 1995, M. Balladur s'est vautré après avoir tenté de les enfumer. Ainsi, Jean-Louis murmura à Jacques « Eh, tel est pris qu'il croyait prendre. » Alors, la clepsydre du Mangin Palace nous annonce qu'il est désormais 11h22 et après avoir revisité l'ascension du jeune loup corrézien que fut Jacques Chirac, il est temps maintenant d'essayer ensemble de percer l'étrange psychologie de cet olibrius politique une fois qu'il fut élu à la présidence de la République. Souviens-toi, nous étions le dimanche 7 mai 1995, il était à peu près 20h, un peu plus, et la nation avait donc choisi de faire entrer Chirac dans l'histoire. Ce soir-là, le candidat vainqueur nous démontra l'étendue de sa générosité. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Le lendemain, le 8 mai, la France célébrait le cinquantenaire de la Libération. Sur les Champs-Élysées, une scène mémorable. Il y avait là deux vieux briscards hilars, François Mitterrand, président toujours en exercice, dont on peut supposer d'ailleurs qu'il avait lui aussi voté la veille pour son successeur fraîchement élu, Jacques Chirac, donc présent ce jour-là en tant que maire de Paris. Et à leur côté, un gros cocu. Édouard, premier ministre toujours en exercice, le Balladur, qui faisait la moue bien sûr. C'était fantastique. Et puis, le 17 mai, Chirac investit enfin l'Élysée. Il nomme le meilleur d'entre eux à Matignon, M. Juppé, qui lui compose un gouvernement dont l'unique priorité, bien sûr, consiste à réduire cette fameuse facture sociale. Eh oui, on avait mal compris, dis donc. Mais bon, dès le mois de juillet 1995, nous constatons que le président Chirac est un homme qui aime fédérer les énergies autour de lui. Le coup de relancer les essais nucléaires une semaine avant le 50e anniversaire de la bombe d'Hiroshima, il n'y avait que lui pour faire ça. Et ça lui a tellement plu qu'il a recommencé. Il va nous jouer, monsieur Boum Boum, pendant des mois. Il va falloir le surveiller, lui. Hein. Non, il faut comprendre. Chez cet homme, l'action précède toujours la réflexion. Il paraît qu'il a gardé à l'Élysée le même conseiller en image que Mitterrand. À mon avis, le mec travaille toujours pour Mitterrand. Seulement voilà, l'automne et son cortège de défilés gauchistes viennent contrarier la politique du gouvernement chiracien, la chienlit. En quelques semaines, M. Juppé devient l'homme le plus détesté de France, mais qui reste droite dans ses bottes. C'est alors qu'entre en scène le fougueux monsieur de Villepin. À l'époque, il est une éminence grise et il est persuadé, pépère, qu'une dissolution anticipée de l'Assemblée nationale pourrait sans aucun doute relancer la machine. Ainsi, Dominique tente avec vivacité de convaincre monsieur Chirac qu'il faut dissoudre. Tu veux que je te dise ? Tu crèpes de peur, t'es une gonzesse. Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé. Ah non, dis tes histoires pelopes, hein. T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça. Maintenant, tout ce que tu sais faire, c'est de descendre les types dans le dos, là, sans risque. Parce que les risques, tu les aimes pas, hein. Mais je les aime pas parce que je les connais. Toi, t'es comme ça, tu comprends ? Tu fonces sans regarder, tu crois que t'es incassable. C'est facile parce que t'as pas d'imagination. C'est pas être une lope que d'avoir quelque chose dans le citron. Tu devrais l'avoir où je pense, crois-moi. Pose toujours, on en reparlera quand tu les auras accrochés aux branches, comme une paire de cerises. Bon, résultat, Chirac cède, et le 1er juin 1997, c'est la gauche qui revient au pouvoir, dis donc. Merci Dominique. Et c'est Lionel Jospin qui s'installe à Matignon. Putain, 5 ans. Alors que faire ? Eh bien, Jacques nous démontre ses formidables capacités d'adaptation et choisit une jolie reconversion. Content d'être là, hein ? Ah, c'est un bien beau pays que vous avez là ! Alors, si on passait à nos petites affaires. Le protocole prévoit un échange politique. Nous avons promis de parler des droits de l'homme. Ta gueule. Alors, on a dit un TGV, des parfums de Paris, des Airbus, une centrale nucléaire. Mais nous n'avons pas beaucoup d'argent. Je sais ce que c'est. Les fins de mois qui commencent le 15. La soupe qui remplace la viande. Et puis, plus rien. Les restes. Pas beaucoup d'argent, vous dites ? Pas beaucoup. Mais un petit peu. Et ce petit peu, c'est une lueur, c'est un espoir. Vous avez pensé à vos enfants ? Qu'allez-vous leur laisser ? Une terre brûlée avec des regrets dessus ? Mais ça ne se mange pas, des regrets ! Ça ne s'admire pas ! Mais un Airbus, un TGV ! Merci. Appuyez fort, il y a du carbone. Eh oui. Durant sa seconde cohabitation, président Chirac devient le meilleur VRP du monde. Certes, il doit partager son pouvoir, mais il s'amuse, pépère, car au final, rien ne l'excite plus que la stratégie politique. Sauf qu'à la fin de son premier septennat, une grosse tuile tombe du toit de l'auberge chiracienne. Nous avons de fortes présomptions de transferts financiers illégaux, sans savoir précisément pour l'instant à qui ils étaient destinés. Ces fonds sont passés par un système bancaire extrêmement opaque. Mais je veux croire que la coopération... Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Il faut que je regarde la télé pour savoir ce qui se passe autour de moi. Non mais vous savez pour qui vous travaillez ? Pourquoi il n'y a pas une équipe qui travaille spécialement sur cette connasse de juge ? C'est quoi cette équipe de merde ? Vous savez faire quoi à part pondre des rapports sur les retraites de la fonction publique à longueur de journée ? Même aux partis sont plus efficaces. D'ailleurs, Florence, il faut s'occuper des parlementaires. Je veux dire, nos copains, la pseudo et les vertueuses de la majorité, ces terroristes de la morale politique avec leurs déclarations d'éthique de merde, ils ont pas intérêt à bouger leur cul, eux. Ainsi, les confessions de Jean-Claude Méry sur sa merveilleuse cassette VHS font grand bruit. Le Chirac risque de gros ennuis. Une seule solution pour éviter la prison, une réélection. Oui, je suis candidat. Et en 2002, d'Avignon, Chirac retourne au charbon. Tu te souviens, c'était il y a 5 ans. Le petit Lionel voulait devenir grand. C'était grandiose, c'était même touchant. Le vieux Jaco, lui, s'aiguisait les dents. Un beau braquage à 82%. Un coup de maître, je suis même tombé dedans. Faut pas que je pleure, car même le procureur n'y pourra rien, lui aussi il fait son beurre. Si ça t'écœure, dis-toi que je suis menteur. Ferme les yeux et surtout serre les dents. Et voilà, avec l'extrême droite au second tour, tout le monde obligé de voter Chirac, dis donc. Oh les boules, 82%, un vrai score d'Albanais. Et rebelote pour 5 ans. Alors, avec 12 ans de présence à l'Élysée, nous sommes en droit de réclamer un bilan. Oui, mon ami, que va-t-il rester de la présidence Chirac ? Des bottes de cow-boy offertes par Bill Clinton en passant par les pièces d'un jeu d'échecs en forme de personnage, le musée du président Jacques Chirac est une invitation au voyage à travers les continents. Ce musée abrite une exposition permanente très riche. La muséographie est complétée par une exposition temporaire dédiée au sport et aux sportifs français. Ainsi sont en bonne place le maillot de Zidane, des tuniques bariolées de champion cycliste et le kimono de David Douillet. Situé sur les hauteurs de Saran, ce musée est appelé à devenir un haut lieu touristique de la Corrèze. Bon, d'accord, c'est un peu cruel, car il restera tout de même autre chose de Chirac qu'un maillot de Zidane dans un musée paumé en Corrèze, bien sûr. Que ce soit sa fermeté dans la guerre de Bosnie ou notre refus d'envahir l'Irak, par exemple, tout ça, c'était classe, Jacques. Et puis, comment ne pas évoquer ici non plus, dans le bilan du père Chirac, la terrible trahison du fils. Cet épisode douloureux sur lequel nous allons revenir immédiatement, alors découvrons cela juste après le jingle. Ça les amuse, ça les amuse. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Bien parlé, Nicolas. Je te préférais comme ça. Quand je l'ai découvert, le lait lui sortait encore du nez. Et déjà, Nicolas s'était glissé avec un chausse-pied dans le rôle que j'avais créé auprès de Georges Pompidou, la voix de son maître. Je vous demande de vous arrêter. Baladurien, j'ai été, je suis, je serai. C'est ce petit saligo qui a monté Édouard contre moi. Y aurait-il un esprit frappeur au quartier général d'Édouard Balladur? Le phénomène a été constaté par la fine fleur des journalistes politiques conviés hier à midi au traditionnel point de presse de Nicolas Sarkozy. Interrogé sur la rivalité entre les deux candidats du RPR, à chaque fois que le porte-parole d'Édouard Balladur prononce le nom de Jacques Chirac, un coup sonore se fait entendre, perturbant quelque peu le point presse. Écoutez. J'ajoute d'ailleurs que Jacques Chirac a parfaitement éclairé le chemin. Je ne devrais pas parler de lui. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas homme à abandonner et il recommence. Bah, attendez, je vais réessayer. Hein. On va voir. Bon. Oui, Jacques Chirac a montré le chemin en nous expliquant lors de sa dernière émission. Ça y est. On réessaye une troisième fois. De toute manière, moi, j'ai décidé d'être aimable et d'être gentil. Non. Oui, Jacques Chirac nous a rendu service signalé. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est un gag. Dès 8 ans, il avait choisi. Il serait président de la République ou rien. Aujourd'hui, un journal spécial entièrement consacré à cet événement, l'opération 72 heures pour voter Nicolas Sarkozy. Est-ce que tu serais content, man, si je devenais président? Ce serait terrifiant si je devenais président. Monsieur Chirac, je suppose que vous allez participer également au soutien à Sarkozy. Évidemment. De toute façon, c'est ça ou la tôle. Hein. Et vous allez faire quoi pendant ces 72 heures? Dormir. Pardon? Je vais tenter de dormir pendant 72 heures de suite. Ah, c'est nul. C'est tout ce que vous allez faire. Ah non? J'ai fait aussi un gâteau d'1m58. Ah, joli geste. C'est grand, 1m58, hein? Enfin, pour un gâteau, pour un homme, c'est très petit, mais... Ah bon? Et il est où, ce gâteau? Je l'ai mangé. As usual, nothing new. But I expect there'll be no regrets. I can't find the time, I feel fine. I say I should, I would, I could. I should. Problem is why you know you do it a lot. I'm gonna change the locks. You were my rock. I was wrong. Move on. So I should. Schulda, c'est ce que se demande cet hiver l'Australienne Mickey Green. Car dans les campagnes électorales, Mickey a bien pu aider le général Chirac à remporter ses victoires. Eh bien, ce sont les lieutenants Juppé, Debré, Villepin, sans oublier le caporal Ponce. Autrement dit, les bons petits Schulda de la Chiraquie, bien sûr. Abracadabrantesque, abracadabrantesque. Alors, pour prolonger notre balade en Chiraquie, enfin dans ce qu'il en reste, la panique au Mangin Palace va te révéler maintenant l'incroyable utopie qu'a développée le retraité Jacques Chirac il y a quelques jours. En effet, en mai dernier, Jacques et Bernadette se sont installés dans un somptueux appartement du Quai Voltaire prêté par la famille de Rafik Hariri. Mais pour Jacques, la vie n'est plus du tout la même. Un vieux complet de vieille savate. Avec quoi on ne peut plus draguer, un col roulé comme une cravate, un vieux pardingue pour se nicher. Oui, bon, c'est sûr, la vie d'ancien président n'est pas très excitante. Certes, il y a bien quelques moments réjouissants, comme par exemple les séances du Conseil constitutionnel, quand il rencontre Valéry Giscard d'Estaing, bien que les discussions y soient assez rapides. Les discussions ont été assez rapides, mais c'est Valéry. Vous savez comment sont les personnes âgées. Ça pinaille, ça fatigue, ça reporte les séances, ça réclame des petits plaisirs. Quand c'est pas des cakes, c'est des pépitos. Hein, t'aimes bien les pépitos? Écoutez, ça suffit, c'est ridicule. On se rend compte que les Français me réclament, m'exigent, et on tente de me faire passer pour un vieillard. Et voilà, il est 8h du soir, la soupe n'est pas sur la table. Monsieur Pinaille, monsieur Sénère. Taisez-vous. Comment ça, taisez-vous? Jacques Chirac, agacé, rentre aussitôt chez lui car il veut absolument regarder à la télé la conférence de presse de Nicolas Sarkozy. Et là, devant son poste, c'est la stupeur. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône? Monsieur Chauffrin, un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. Moi, issu de la monarchie? Ok. Alors si la monarchie, c'est l'élection, c'est plus la monarchie, monsieur Chauffrin. Soit c'est une monarchie, donc c'est l'hérédité. Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on m'explique de qui je suis l'héritier. Soit c'est l'élection, dans ce cas-là, c'est pas la monarchie. Je n'ai volé ma responsabilité à personne, monsieur Geoffrin. Jacques Chirac bondit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de monarchie? Même lui, il sait que la monarchie, ça désigne simplement un pouvoir où il n'y a qu'un chef. Et puis en plus, Jacques Chirac sait bien que les monarchies électives, aujourd'hui encore, ça existe. D'ailleurs, au Cambodge, dans les Émirats Arabes Unis ou en Malaisie, le souverain est élu. Pas par le peuple, c'est vrai, mais il est élu. Et puis le pape, Ben Sixtine, le nouveau pote à Sarko, ben lui aussi, il a été élu par le Sacré Collège. Jacques Chirac se dit alors que, dans l'ambiance actuelle en France, tout devient possible et que si ça continue, il risque bien de les voir. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Et voilà le cœur des soucis pour président Chirac, ses interminables affaires politico-judiciaires. Alors, Jacques a une idée hallucinante. Pour y mettre fin, il s'approche de son petit-fils, Martin, âgé de 12 ans, pour lui expliquer quelques vérités premières. Bien, mon petit gars, tu regardes mes doigts. Aimerais-tu que je te raconte l'histoire de la droite et de la gauche? L'histoire du bien et du mal? Ça, c'est la haine. Et c'est avec cette main gauche que le frère Caïn tua Abel qui était aimé de Dieu. L'amour, c'est cette main, c'est la main droite. C'est là l'image de la vie. Ces doigts, cher cœur, sont toujours en lutte les uns contre les autres. La main gauche de la haine au combat, qui écrase celle de l'amour. Mais patientez, c'est l'amour qui l'emporte, tandis que la main de la haine doit s'avouer vaincue. La main de la haine et la main de l'amour? C'est alors que Jacques Chirac dévoile à Martin ses véritables intentions. Il veut être le mentor du môme, et quand Martin sera élu président de la République, à la place de Sarkozy, son petit-fils n'aura qu'à faire passer une loi d'amnistie des grands-parents des présidents, CQFD. Martin est enchanté de l'idée. Sauf que voilà, il est jeune et il n'a pas de programme. Mais là encore, son grand-père le rassure et lui démontre que Pépé a toujours des idées. J'aime beaucoup le sport, je n'en fais hélas plus, faute de temps et peut-être aussi faute de capacité. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le pratiquent, non seulement d'ailleurs au niveau de l'athlétisme, mais aussi au niveau de la diffusion du sport populaire que, vous le savez, nous allons essayer de développer, et notamment le cyclisme à Paris, qui a sa place à Paris. Et cette place n'est pas actuellement convenablement reconnue. Nous comptons développer le cyclisme, j'entends le cyclisme de promenade naturellement, ou même pour aller au travail. À Paris, le développement des pistes cyclables est tout à fait compatible avec les exigences d'une ville moderne. Martin fait remarquer à son grand-père que Vélib, c'est déjà fait, hein, par Delanoë. Mais peu importe, dit Jacques Chirac, qui connaît la véritable méthode pour devenir président. C'est une méthode que lui avait enseigné Charles Pasqua. L'apparence d'une couronne ou l'espérance d'un palais, jette dans vos bras le même homme, le même qui vous combattait. La puissance est une promesse, à l'un de le mettre en prison, à l'autre que de nos largesses, il ne verra jamais le fond. La crainte et les intérêts, ce serait donc ça le secret pour devenir président ? Martin est dubitatif. Le problème, c'est que pour être président, il faut ressembler à un président. Là encore, Jacques Chirac explique à Martin que tout va bien. Il est petit, c'est vrai, mais on l'a vu dernièrement, ce n'est pas forcément un handicap. Et puis, il lui offrira une Rolex et une poupée Barbie, ainsi qu'un téléphone portable de la dernière génération. Vous voulez changer de sonnerie ? Non. Si. Téléchargez Jacques Chirac sur votre téléphone portable. Fantastique. Envoyez le mot cassoulet et recevez la sonnerie. Abracalabrantesque. Abracalabrantesque. Sur votre mobile, tapez Boudin. 99 euros par envoi hors coût d'un SMS. 100 SMS offerts pendant un mois vers tous les débiles. Voilà. Martin Chirac est mort de rire. Ce qui n'est pas le cas de Dominique de Villepin, invité pour le café et qui vient d'entendre la fin de la conversation. Jacques, tu es si drôle que tu fais rire les enfants. Ils te prennent tous pour un guignol, ils t'imitent le soir en mangeant. Jacques, tu es si grand que toutes les petites vieilles d'adultes, elles voudraient que tu les embrasses, elles voudraient que tu les ramasses. Oh, Jacques. Oh, Jacques, calme-toi. Martin n'a que 12 ans. Et l'âge minimum pour être président, c'est 23 ans. Il faudra donc attendre les élections de 2022 pour espérer la succession. Et ben voilà. Fin de l'ambition chiracienne. C'est vrai, président Chirac est un peu dépité, mais peu importe. Bientôt, il aura les municipales pour agrémenter ses soirées parisiennes, car elles s'annoncent plus animées que le palio à Sienne. Je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne, et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencez par voir si l'amour va s'en plein. Et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan. Brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Et t'emmener au te saluer, bah chanter des chansons. Chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui. Ou bien tout ça si c'est pas compris. Je voudrais bénéficier de ton absence. Je voudrais savoir pour ce soir. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Mais moi je vis toujours des soirées parisiennes. Je vis toujours des soirées parisiennes. Je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Moi je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Les nuits parisiennes, célébrées en 1997 par Louise Attaque. Mais qu'est-ce que les nuits parisiennes doivent à Jacques Chirac ? La fête de la musique ? Ah, non, ce n'est pas lui. La nuit blanche, alors ? Non plus. La tour Eiffel qui scintille, bien sûr. Encore raté. Les frais de bouche pour des ripailles nocturnes ? Ah, là, c'est lui. La tête de veau. C'est pour moi. Alors maintenant, afin de prolonger nos aventures chiraciennes, il est grand temps, à 11h45, de retrouver nos deux têtes de veau, les gros boulets que sont Monique et Jean-Claude, bien sûr. Avant tout, il faut savoir qu'à Grosboul-les-Bains, justement, l'UMP n'a jamais véritablement remplacé l'esprit du RPR. Emploi fictif à la mairie, ensuite tu peux louer une baraque de 300 mètres carrés pour 80 euros par mois, et certains électeurs ont, paraît-il, 184 ans. Bref, depuis 1976, Jacques Chirac est ici un héros pour la grande majorité des habitants gaullistes, dont fait partie Jean-Claude, bien entendu. Et le week-end dernier, grosse excitation, puisqu'à l'occasion du 30e anniversaire de la fête de la saucisse de Grosboul-les-Bains, Jacques Chirac lui-même leur a promis de passer faire un tour afin de les remercier pour cette amitié de plus de 30 ans. Ainsi, en milieu de matinée, alors qu'on achevait les préparatifs, brusquement, Jean-Claude ressentit une vive émotion, puisque visiblement, président Chirac venait d'arriver. Monsieur Chirac est demandé à la réception. Monsieur Chirac. C'est pour moi. Non mais tu t'appelles Chirac, toi? Ben oui, Chirac, Patrick Chirac. Pourquoi? Ben... D'accord, non, non, y a rien à voir. Non, non, attends, on s'est même jamais rencontré. Par contre, c'est lourd à porter. Chez Amora, il m'appelait Bernadette. Et pourquoi tu changes pas de nom? Pourquoi c'est moi qui changerais? Oh, la classe, se dit Jean-Claude. S'appeler Chirac, franchement, ça le fait, hein. Cela dit, il ne faut pas traîner. Il reste du boulot avant l'arrivée officielle du vrai Chirac, prévue dans deux petites heures environ. Oui, décidément à Grosboul-les-Bains, la magie Chirac est intacte. Serrage de paluches, large sourire, embrassade, c'est une liesse populaire qui accueille l'ancien président. C'est à 12h45, une fois Chirac juché sur le podium, que la chorale des mômes de l'école communale rend hommage au prince de Corrèze. Pour tous, Jacques Chirac, maintenant président, la France doit montrer le chemin de la liberté. Liberté de travailler, de mieux vivre dans chaque foyer. Jean-Claude est au bord des larmes. Chirac, là, juste devant lui. L'émotion est énorme. Monique, elle, est consternée qu'on impose une telle chanson à des enfants innocents. Mais bon, Jean-Claude s'en fout, puisqu'il est l'heure maintenant du discours que leur a également promis Jacques Chirac. L'ancien président réclame le silence, chut, et décide d'évoquer son successeur, M. Sarkozy. Le moment est venu de se ressaisir. En nous abandonnant à nous-mêmes, c'est la France que nous abandonnons. Rendons ensemble l'espérance à notre pays. Suscitons l'engagement de tous ceux qui croient en la France. Que cet appel soit entendu, car la vraie menace est en face de nous. Bon, décidément, à Grosboul-les-Bains, on est vraiment chiraquien, hein. Il n'aime pas trop Sarkozy là-bas. Porté par l'enthousiasme de ce discours, Jean-Claude se lance dans une Marseillaise reprise par toute l'Assemblée. Sauf Monique, bien sûr. Excédée, elle se rue sur Chirac et lui dit que franchement, elle en a ras-le-bol. Ça fait 30 ans que ce sont les mêmes conneries. Toi qui sans cesse me fais des promesses que tu ne tiens pas. Toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Président Chirac est surpris qu'une grosse boulette n'adhère pas totalement à ses propos. Mais rarement déstabilisé par une critique, Chirac tente de calmer la situation. Après tout, aujourd'hui, c'est surtout la fête de la saucisse, merde. Ah, on n'est pas bien là. décontracté du kangourou. Hein. Pas un ministre à l'horizon, personne pour faire chier. J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps. Dans les salons de l'Élysée, avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, et c'est pas facile de se tirer de cette usine. Bon, allez, vous venez, on va se faire un barbecue sur la plage. Jean-Claude explique à Président Chirac qu'à Grosboul-les-Bains, comment dire, il n'y a pas la plage. Mais que pour le barbecue, il n'y a pas de souci, hein, tout est prévu. D'ailleurs, Jean-Claude en profite pour glisser à l'oreille de son mentor qu'il se souvient qu'en juillet 1995, sa fédération RPR fut invitée à la première garden party chiracienne. Jean-Claude en garde un souvenir merveilleux. On était des milliers au barbecue de l'Élysée, tous de blanc vêtus, toutes en dos nus, et les gens se baignaient dans des bains de champagne, les gens se caressaient sur des tissus pagnes. J'ai raconté tout ça et je suis rentré chez moi faire caca. Attends, ce n'était pas si bling-bling quand même, lui fait remarquer Président Chirac. Non, c'est vrai, lui répond Jean-Claude. C'est beaucoup plus cheap maintenant. Et puis, après deux bonnes douzaines de saucisses, six barquettes de frites, le tout arrosé d'un hectolitre de bière, Jean-Claude finit par avouer à Chirac qu'il aimerait bien se lancer dans la bataille municipale qui approche, bon sang. Il aimerait être tête de liste, histoire de se farcir du socialo-communiste, là. Mais il n'ose pas, il sent bien qu'il lui manque la célèbre baraka chiracienne, justement. C'est alors que dans son infinie bonté, Président Chirac, désormais retraité, livre son plus grand secret à Jean-Claude. Au fond, la politique, ça n'a rien à voir avec les convictions et la culture. C'est d'abord une gueule, la mienne. Franchement, vous pouvez pas dire. Je suis quand même un beau mec, non? Maman m'avait surnommé Carré Grande. Ah la vache, c'est loin. Carré Grande. C'est vrai qu'il y a quelque chose. La politique, comment vous dire, c'est sexuel. Il faut aspirer le désir aux femmes, mais aussi aux hommes, aux jeunes, aux vieux, à tout le monde. Jean-Claude vient donc de comprendre quelque chose d'essentiel. Pour remporter une victoire électorale, telle une rockstar, il faut maîtriser la libido des foules. Merci qui ? Merci Chichi. Fin du voyage officieux. Monique, elle, s'est déjà barrée, bien sûr. Attends, oh, la fête de la saucisse et en plus le vieux Chirac, là. Merci bien. Hein. Cela dit, avant de le laisser repartir, Jean-Claude s'inquiète de l'avenir de Président Chirac. Eh bien, le grand Jacques lui apprend qu'avant le dernier voyage, le plus tard possible bien sûr, un vrai projet lui tient à cœur, toujours dans ce registre d'ailleurs, de créer le désir autour de lui. Même si un jour à Knokke-le-Zoot, je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante Mi-Corazón avec la voix bandonnéante d'un Argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, Dieu fait ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je rechanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Un jour à Macao, je deviens gouverneur de Tripot, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vends des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais PD, de fausses vierges.